qu'au secondaire. J'pense à ce que j'pensais 6-7 ans en arrière. J'ai passé le primaire, secondaire, puis j'ai fait le sommaire. J'étais impair, jamais pair. Marginal, bataille sans carrière. Les profs voyaient du négatif en moi, bof. J'étais le mouton noir dans les classes, les corridors dehors. Hey, on court pas dans les corridors, mon petit. Mais aujourd'hui, j'écris 1000 fois plus qu'à l'école. Sauf j'écris la vérité, pas des mentries qui décollent. Comme dans les livres d'histoire d'école. Qui parle jamais mon peuple, mais plutôt Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Ah, ah. Ben oui, moi j'ai débarqué au métro Longueuil, j'ai découvert la rue. Peace, food, j'y coupe, et c'est pas tout. C'est liste important, intellectuel. L'écrit doit être deux fois plus important, donc essentiel. Ciel, ciel, ciel, ciel. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Maintenant je lis plus que Bruce, ouais, oui. C'est pour ça que mes lectures Bruce. Pourquoi certains livres nous confusent? J'suis confus. Y a-t-il des manipulateurs d'informations, des menteurs qu'à l'aide de mentries manipulent l'échange des circonstances? J'pense. J'pense que oui, donc lis pas n'importe quoi. Choisis tes auteurs, y'a trop de mentors qui ont honte leurs ancêtres et leurs actions. C'est pour ça qu'ils changent les versions. Mais attention, paye de l'attention. J'dis pas l'école en général. L'école te forme une colonne vertébrale. C'est important pour tout le temps. T'as besoin de tes diplômes, seconde à 5 minimum. Ça donne de la méthodologie de travail, des chances de rencontrer une. Excusez-moi, fat boy, pas comme moi, sois toi. Anyway, après seconde à 5, tu verras. Cégep, université, travail, crime horrible. Tu feras bien ce que tu voudras, mais pour l'instant. Pour l'instant quoi? Pour l'instant quoi? L'instant, des fois ça marche, des fois ça marche pas, you know? Le stress, man. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Si lire c'est intellectuel, écrire doit être essentiel. Food fight, la bouffe partout, des émeutes, batailles, c'était fou. Des filles qui te niquent n'importe où. Je me souviens tout sur tous les points qu'on a. C'était cool, sauf quand la cloche te rushait. Va ton cours de français, mais ça pesait. Parti notre sort, Antoine Brassard, 84-85. Mais aujourd'hui c'est vrai que c'est bizarre. Par hasard, mon lâche l'école à un très bazar. Ça fait longtemps que je suis pas allé, mais ça a dû changer. Fait que je veux pas dire de rester. Fais ce que tu veux, d'école, d'école ou joujou. Seul toi, c'est ce que tu veux. Oh man, je me souviens de mon secondaire. Puis c'est ceux qui faisaient tomber les cases le vendredi après-midi. Puis qui ont cogné des profs, on était contents. Mais malgré tout, aujourd'hui j'ai mon diplôme. Puis ils vont me suivre jusque dans ma tombe. Tout ça pour dire que c'est pas comment t'as ton diplôme qui compte, mais c'est que tu l'ailles sans faille. Bye.